Chapitre 111, la répétition. Une fois la répétition commencée, l'attention excitée par le spectacle même, Rousseau cessa d'être remarqué. Ce fut lui qui observa autour de lui. Il entendit des seigneurs qui chantaient faux sous des habits de villageois, et vit des dames qui coquetaient comme des bergères sous des habits de cour. Madame la Dauphine chantait juste, mais elle était mauvaise actrice. Elle avait d'ailleurs si peu de voix qu'on l'entendait à peine. Le roi, pour n'intimider personne, s'était réfugié dans une loge obscure où il causait avec les dames. Monsieur le Dauphin soufflait les paroles de l'opéra, qui marchait royalement mal. Rousseau prit le parti de ne plus écouter, mais il lui fut difficile de ne plus entendre. Il avait cependant une consolation, car il venait d'apercevoir une délicieuse figure parmi les illustres comparses, et la villageoise, que le ciel avait douée de cette belle figure, chantait avec la plus belle voix de toute la troupe. Rousseau se concentra donc et s'absorba par-dessus son pupitre à regarder la charmante figure, et il ouvrit ses deux oreilles pour aspirer toutes les mélodies de sa voix. La Dauphine, qui vit ainsi l'auteur attentif, se persuada aisément, grâce à son sourire, grâce à ses yeux mourants, qu'il trouvait satisfaisante l'exécution des bons morceaux, et pour avoir un compliment, car elle était femme, elle se pencha vers le pupitre en disant « Est-ce que c'est mal ainsi, monsieur Rousseau ?» Rousseau, béant et engourdi, ne répliqua rien. « Alors nous nous sommes trompés, » dit la Dauphine, « et monsieur Rousseau n'ose le dire. Je vous en supplie, monsieur Rousseau. » Les regards de Rousseau ne quittaient plus cette belle personne, qui ne s'apercevait pas, elle, de l'attention dont elle était l'objet. « Ah !» dit la Dauphine, en suivant la direction du regard de notre philosophe. « C'est mademoiselle de Tavernay qui a fait une faute. » André rougit. Elle vit tous les yeux se porter sur elle. « Non, non !» s'écria Rousseau. « Ce n'est pas mademoiselle, car mademoiselle chante comme un ange. » Madame du Barry décocha au philosophe un coup d'œil plus aigu qu'un javelot. Le baron de Tavernay, au contraire, sentit son cœur se fondre de joie et caressa Rousseau de son plus charmant sourire. Est-ce que vous trouvez que cette jeune fille chante bien ? Demanda Madame du Barry au roi, que les paroles de Rousseau avaient frappées visiblement. Je n'entends pas, dit Louis XV, dans un ensemble. Il faut être musicien pour cela. Cependant, Rousseau s'agitait dans son orchestre pour faire chanter le chœur. Colin revient à sa bergère. Célébrons un retour si beau. Et se retournant après un essai, il vit Monsieur de Jussieu qui le salua avec aménité. Ce ne fut pas un médiocre plaisir pour le Genevois que d'être vu régentant la cour par un homme de cour qui l'avait un peu froissé de sa supériorité. Il lui rendit cérémonieusement son salut et se remit à regarder André, que l'éloge avait rendu encore plus belle. La répétition continua, et Madame du Barry devint d'une humeur atroce. Elle avait deux fois surpris Louis XV, distrait par le spectacle, des jolies choses qu'elle lui disait. Le spectacle, nécessairement pour la jalouse, c'était André, ce qui n'empêcha point Madame la Dauphine de recueillir force compliments et de se montrer d'une gaieté charmante. Monsieur le duc de Richelieu papillonnait autour d'elle avec la légèreté d'un jeune homme, et avait réussi à former dans le fond du théâtre un cercle de rieurs dont la Dauphine était le centre et qui inquiétait furieusement le parti du Barry. « Il paraît, dit-il tout haut, que mademoiselle de Tavernay a une jolie voix. »« Charmante, dit la Dauphine, et sans mon égoïsme, je l'eusse fait jouer Colette. » Mais comme c'est pour m'amuser que j'ai pris ce rôle, je ne le laisse à personne. « Ah, mademoiselle de Tavernay ne le chanterait pas mieux que votre Altesse royale, » dit Richelieu. « Mademoiselle est excellente musicienne, » dit Rousseau, profondément pénétré. « Excellente, » dit la Dauphine. « Et s'il faut que je l'avoue, c'est elle qui m'apprend mon rôle. Et puis elle danse à ravir et moi je danse fort mal. » On peut juger de l'effet de ces conversations sur le roi, sur Madame du Barry, et surtout ce peuple de curieux, de nobelistes, d'intrigants et d'envieux. Chacun récoltait un plaisir en faisant une blessure, ou recevait le coup avec honte et douleur. Il n'y avait pas d'indifférent, sauf peut-être André elle-même. La Dauphine, aiguillonnée par Richelieu, finit par faire chanter à André la romance « J'ai perdu mon serviteur, Colin me délaisse ». On vit le roi laisser aller sa tête en cadence, avec des mouvements si vifs de plaisir, que tout le rouge de Madame du Barry tombait en petites écailles, comme fait la peinture à l'humidité. Richelieu, plus méchant qu'une femme, savoura sa vengeance. Il s'était rapproché de Tavernay le père, et ces deux vieillards formaient un groupe de statues qu'on eût pu appeler l'hypocrisie et la corruption, clignant un projet d'union. Leur joie devint d'autant plus vive que le front de Madame du Barry s'assombrissait peu à peu. Elle y mit le comble en se levant avec une espèce de colère, ce qui était contre toutes les règles, puisque le roi était encore assis. Les courtisans sentirent l'orage comme les fourmis et se hâtèrent de chercher l'abri près des plus forts. Aussi vit-on Madame la Dauphine, plus entourée de ses amis, Madame du Barry, plus caressée des siens. Peu à peu, l'intérêt de la répétition déviait de sa ligne naturelle et se portait sur un autre ordre d'idées. Il ne s'agissait plus de Colette ou de Colin, et beaucoup de spectateurs pensaient que ce serait peut-être à Madame du Barry de chanter bientôt « J'ai perdu mon serviteur, Colin me délaisse ». « Vois-tu, dit Richelieu, bas à Tavernet, vois-tu l'étourdissant succès de ta fille ?» Et il l'entraîna dans le corridor en poussant une porte vitrée, d'où il fit tomber un curieux qui s'était suspendu au carreau pour voir dans la salle. « La peste du drôle !» grommela M. de Richelieu en époussetant sa manche, que le contre-coup de la porte avait froissé, et surtout en voyant que le curieux était vêtu comme les ouvriers du château. C'en était un, en effet, qui, un panier de fleurs sous le bras, avait réussi à se hisser derrière la vitre et à plonger les yeux dans la salle où il avait vu tout le spectacle. Il fut repoussé dans le corridor où il faillit tomber à la renverse, mais s'il ne tomba pas, son panier fut renversé. « Ah, mais ce drôle, je le connais !» dit Tavernet avec un regard courroucé. « Qui est-ce ? » demanda le duc. « Que fais-tu ici, coquin ? » dit Tavernet. Gilbert, car c'était lui, et le lecteur l'a déjà reconnu, répliqua fièrement. « Vous le voyez ? Je regarde. » « Au lieu de faire ton ouvrage, » dit Richelieu. « Mon ouvrage est fini, » dit humblement Gilbert au duc, sans daigner regarder Tavernet. « Je trouverai donc ce fainéant partout, » dit Tavernet. « Là, là, monsieur, » interrompit une voix doucement. « Mon petit Gilbert est un bon travailleur et un botaniste très appliqué. » Tavernet se retourna et vit M. de Jussieu qui caressait les joues de Gilbert. Il rougit de colère et s'éloigna. « Les valets, ici » murmura-t-il. « Chut !» lui dit Richelieu. « N'y colliez bien. Regarde, au coin de cette porte, là-haut, la petite égrillarde. Elle ne perd pas non plus une œillade. » En effet, Nicole, derrière 20 autres domestiques de Trianon, levait par-dessus sa tête charmante, et ses yeux, dilatés par la surprise et l'admiration, semblaient tout voir en double. Gilbert l'aperçut et tourna d'un autre côté. « Viens, viens !» dit le duc à Tavernet. « J'ai l'idée que le roi veut te parler. Il cherche. » Et les deux amis s'éloignèrent dans la direction de la loge du roi. Madame du Barry, tout debout, correspondait avec M. d'Aiguillon, debout aussi. Celui-ci ne perdait de vue aucun mouvement de son oncle. Rousseau, demeuré seul, admirait André. Il était occupé, s'il en venait passer cette expression, à en devenir amoureux. Les illustres acteurs allaient se déshabiller dans leur loge où Gilbert avait renouvelé les fleurs. Tavernet restait seul dans le couloir. Depuis que M. de Richelieu était allé retrouver le roi, sentait son cœur transi et brûlé tour à tour dans l'attente. Enfin, le duc revint et mit un doigt sur ses lèvres. Tavernet pâlit de joie et vint à la rencontre de son ami qui l'entraîna sous la loge royale. Là, ils entendirent ce que peu de gens pouvaient entendre. Madame du Barry disant au roi « Attendrai-je votre majesté à souper ce soir ?» Et le roi répondant « Je me sens fatigué, comtesse, excusez-moi. » Au même instant, le dauphin arrivait, et marchant presque sur les pieds de la comtesse sans paraître la voir. « Sire, dit-il, votre majesté nous fera-t-elle l'honneur de souper à Trianon ?»« Non, mon fils, je le disais à l'instant même à madame, je me sens fatigué, toute votre jeunesse m'étourdirait, je souperai seul. » Le dauphin s'inclina et partit. Madame du Barry salua jusqu'à la ceinture et se retira, tremblante de colère. Le roi fit alors un signe à Richelieu. « Duc, je vous parlais de certaines affaires qui vous regardent. Sire, je n'ai pas été content. Je veux que vous m'expliquiez. Tenez, je soupe seul, vous me tiendrez compagnie. » Et le roi regardait Tavernet. Vous connaissez, je crois, ce gentilhomme, duc ? Monsieur de Tavernet ? Oui, sire. Ah, le père de la charmante chanteuse ? Oui, sire. Écoutez-moi, duc. Le roi se baissa pour parler à l'oreille de Richelieu. Tavernet s'enfonça les ongles dans la peau pour ne pas donner signe d'émotion. Un moment après, Richelieu passa devant Tavernet et lui dit « Suis-moi, sans affectation. »« Où cela ?» dit Tavernet de même. « Bien toujours. » Le duc partit, Tavernet le suivit à 20 pas jusqu'aux appartements du roi. Le duc entra dans la chambre, Tavernet demeura dans l'antichambre.